Bonjour, alors on poursuit la partie consacrée aux Cowboy Songs de John Lomax, avec une nouvelle partie intitulée Le Cowboy comme nouveau folk. Comme Charles Loomis, John Lomax se tourne vers l'Ouest pour proposer une folk musique américaine différente de celle des folkloristes universitaires, et choisit le cowboy comme représentant folk de son modèle d'américanité. Il écrit: c'est au cow-boy plus qu'au chercheur d'or, plus qu'au soldat de l'oncle Sam, que l'on doit la civilisation de l'Ouest. En assimilant le cow-boy à, je le cite, un précurseur des pionniers, au native bumpo du Sud-Ouest, Lomax s'inscrit dans un imaginaire ayant successivement promu au rôle de héros de la frontière différentes figures masculines, solitaires et viriles. Mais alors que le montagnard des Appalaches ou bien le trappeur des Grands Lacs sont les archétypes de frontières dépassées depuis déjà longtemps, le cow-boy appartient à une histoire plus récente et donc plus américaine au sens des États-Unis plutôt que de la période coloniale. Il paraît surtout encore plus héroïque et indépendant. À l'aube du XXe siècle, le cow-boy du Far West accède au rang de légende par le biais de la culture populaire de masse. Des dime novels, donc des petits romans qui coûtent une dime, apparus à la fin des années 1860, à l'émergence des films western hollywoodiens au début du XXe siècle, en passant par les rodéos spectacles ou encore les peintures de Frederick Remington ou de Charles M. Russell, le cow-boy devient progressivement la figure centrale des récits de la conquête, le symbole de l'Américain individualiste et indépendant, l'incarnation des valeurs fondatrices de la nation américaine. La lettre de soutien de l'ancien président Theodore Roosevelt, qui est reproduite au début du recueil de Lomax, use également de cette idée du cow-boy comme représentant d'une américanité virile. Roosevelt est lui-même historien chroniqueur de la conquête de l'Ouest. Et dans son épopée triomphaliste de la frontière, le yeoman farmer mis à l'honneur par Turner et ses collègues agrariens, donc le petit fermier qui exploite le sol, est remplacé par la figure libre et indépendante du chasseur-combatteur d'Indiens, c'est son expression hein, à Roosevelt, et donc exemplifié par le cow-boy. Si John Lomax se montre très critique à l'égard des cow-boys à paillettes de la culture de divertissement, il écrit par exemple « Encore mal compris, le cow-boy est souvent calomnié, presque toujours caricaturé, tant par la presse que par la scène. » Il reprend pourtant à son compte, à l'instar de Roosevelt, bon nombre de stéréotypes diffusés par celle-ci. L'un des plus importants véhicules de la diffusion populaire de la figure héroïque du cow-boy, le Buffalo Bill's Wild West Show, tourne aux États-Unis et en Europe de 1883 à 1913. Ce spectacle itinérant, promu comme une représentation historiquement fiable de la conquête, propose des représentations spectaculaires de scènes épiques de l'Ouest. Attaques de diligence, chasse aux bisons, massacre d'indiens, etc., qui lui valent un succès international. La présence d'acteurs ayant réellement participé à la conquête, ou en ayant été victime, à l'instar des chefs indiens Sitting Bull et Geronimo, de l'éclaireuse et messagère Calamity Jane, ou du chasseur Buffalo Bill lui-même, confère une légitimité historique au spectacle. Le Wild West Show diffuse bien entendu une représentation romancée et triomphaliste de la conquête, où les exploits du cow-boy, tour à tour chasseur de bisons, tueur d'indiens, soldat, fermier, justicier et hors-la-loi, n'ont pas grand-chose à voir avec la vie rude et monotone des vachers texans. Si Lomax juge ce type de spectacle peu réaliste, sa découverte dès l'enfance de la culture des cow-boys, sur laquelle il fondera sa rhétorique de légitimité, lui vient largement des tournaments, des rodéos spectacles venus d'Espagne et du Mexique, qui sont très populaires dans l'ouest des États-Unis après la guerre de sécession et qui servent de modèle notamment au Buffalo Bill Wild West Show. Le cow-boy tel que Lomax le décrit dans son recueil n'est pas moins légendaire ni moins héroïque que celui du Wild West Show. Voici un extrait. Impatient, intrépide, chevaleresque, élémentaire, il vivait dangereusement, tirait juste et en un éclair et mourait en face à face avec son ennemi. La piste du bétail, les grandes transhumances et ses nombreux dangers auraient forgé son caractère et son esprit indépendant, ainsi que l'illustrent plusieurs chants présents dans le recueil, notamment « The Crooked Trail to Old Brook » ou alors « Frightening from Wilcox to Globe » ou encore « The Kansas Line »,« The Lone Star Trail »,« The Trail to Mexico » ou encore le fameux chant « The Old Chisholm Trail ». taciturne et nostalgique, le cow-boy chante son mal du pays et reste impavide face à la mort, dans des chants comme Dreary Black Hills, The Dying Cowboy, dont on a écouté une version dans l'épisode précédent, ou encore Home on the Range. Lorsqu'il a fini son dur labeur, le cow-boy fréquente les saloons des villes du bétail, s'enivre, joue aux cartes et parfois de la gâchette. Encore une description de Lomax. La musique, la danse, le clic de la roulette dans les saloons s'invitaient. L'attrait de la lumière cramoisie était irrésistible. Les orgies de boissons, réaction aux mois de labeur, de privation et de solitude dans le ranch et sur la piste, ont mené à la mort plus d'un boucarou temporairement atteint de démence. La rudesse de son travail excuse ses comportements immoraux et sa vulgarité, qui lui confère de toute façon, selon Lomax, une qualité homérique qui plaît plutôt que repousse. Ce qui n'empêche pas Lomax d'exclure les champaillards de son recueil, puisqu'il les juge impropres à une publication grand public. Lomax écrit plus loin que « Le cow-boy a combattu les Indiens depuis que l'élevage est devenu un business et aussi longtemps qu'il restait des Indiens à combattre. En combattant la sauvagerie indienne et la tyrannie mexicaine, le cow-boy devient le véritable héros de la démocratie américaine, blanche et anglo-centrée. En effet, contrairement à Charles Loomis, qui mise sur l'ancienneté et la noblesse de l'héritage des colonies espagnoles, Lomax construit un cow-boy et une folk musique américaine 100% anglo-saxonne, blanche et protestante. Ces informateurs noirs américains, dont il fera mention des années plus tard, ne sont pas présentés dans son recueil, même s'il précise tout de même qu'il n'était pas rare, je le cite, « de trouver un nègre qui, grâce à sa capacité à diriger les chevaux sauvages ou grâce à son adresse au lasso, était embauché comme cow-boy ». Les chants de son recueil sont tous en anglais, alors que de nombreux cow-boys étaient hispanophones. Initialement, Lomax voulait d'ailleurs intituler son recueil « Cowboy Song of the Mexican Border », en référence à un ouvrage de Sir Walter Scott, mais finalement il juge ce titre un peu trop affecté et littéraire et opte finalement pour une référence à la frontière, qui a aussi l'avantage de passer sous silence la proximité du Mexique et donc son influence culturelle potentielle. En 1911, Lomax publie séparément quelques chants de cow-boys en espagnol, mais cette fois dans une revue scientifique. Avec son recueil Cowboy Songs and Other Frontier Ballads, Lomax cherche, semble-t-il, à se conformer au goût populaire en reproduisant les mêmes stéréotypes anglo-centrés que ceux de la culture de divertissement. L'héroïsation du cow-boy a aussi pour effet de gommer les réalités économiques et sociales de la vie des vachers texans. Dès les années 1880, des mouvements sociaux de grande envergure sont organisés par les vachers, réclamant de meilleurs salaires et des conditions de travail moins dangereuses, et par les petits propriétaires terriens contre le monopole des grandes compagnies au Texas et dans le Montana. Loin de l'image façonnée par la culture de divertissement d'hommes libres et indépendants, les cow-boys occupent souvent en fait des emplois de subalternes, sous-payés par les barons du bétail. Alors même que son recueil inclut des ballades exposant les conflits entre employeurs et employés, c'est le cas par exemple dans le morceau Old Chisholm Trail et surtout dans le morceau Buffalo Skinners, le discours de Lomax véhicule au contraire l'image d'une société où les hommes, je le cite, vivraient pratiquement en termes d'égalité. On est là aussi assez proche des critères d'authenticité du folk de l'école communaliste d'Harvard. On termine cet épisode par une écoute d'un autre chant de cow-boy qui a été collecté par Lomax, mais plus tard, hein, en mai 1939, à Maryville, en Louisiane. Le morceau s'intitule « Ox Driving Song ». Il est interprété par Herman Weaver. Et peut-être que vous allez reconnaître la mélodie qui a été empruntée pour une chanson française assez célèbre, « Les Dalton » de Joe Dassin. À la prochaine. I make my leaders take the blood, I make my leaders take the mud, I make pop the whisk and I can get that. No, I got that wrong, that's all. Tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, I pop my whip, I bring the blood, I make my leaders take the mud. Tamaradio, tamaradio, tamaradio. When I get home, I'll have revenge. I'll land my family among my friends. I'll bid adieu to the whip and line and drive no more in the winter time. Tamaradio, tamaradio, tamaradio. Tamaradio, tamaradio, tamaradio, tamaradio. This is a fragment of a song I learned from my father when I was a boy about ox driving. This is H.R. Weaver in Maryville, Louisiana, talking.